Ok. Donc voilà, donc Mona Lisa, Magma. Magma, ça n'a rien à voir. C'est plutôt magma. C'est vrai qu'aussi on avait continué le délire en France, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, ils auraient plus de mal à dire ce qu'ils disaient dans leurs chansons à l'époque qu'aujourd'hui. Enfin, des nouveaux groupes qui s'inspireraient d'eux et qui partiraient dans le même délire. Je sais pas. Thank you. Si, c'est très joli comme morceau, c'est mélancolique et tout. Enfin, la mélodie est vraiment. Si, c'est vraiment. C'est hanche, quoi. Bah, de toute façon, quand on parle de rock progressif, enfin, c'est une espèce de. Faudrait plutôt parler de musique alternative, quoi, de rock alternatif ou de. Tu vois, de musique contemporaine, presque, plutôt que. Enfin, c'est vrai que rock progressif, ça veut pas dire grand chose, finalement. Parce que quand tu mets Magma, Gong et Ange dans le même sac, si tu veux, alors que c'est trois groupes qui n'ont rien à voir, qui sont très bons tous les trois, mais. C'est de la musique alternative, quoi. Du rock alternatif. La musique contemporaine. C'est mon avis. Yeah. Ah, on peut tenter le 2050, comme je disais tout à l'heure. On peut essayer. Ok, ok. Bah, donne un numéro. Tu donnes un numéro et puis on y va, quoi. Donc ok, Ethan, Ninjammer si tu veux, mais tu veux aller dans lequel? Il y en a plusieurs, il me semble. 2051. Allez, tout le monde dans le 2051. Allez, c'est parti.